Vendredi, j'ai fait une entrevue avec l'analyste des matchs des Sénateurs d'Ottawa, Alain Sancartier, pour parler un peu de l'avenir des Sénateurs d'Ottawa, l'avenir financier des Sénateurs d'Ottawa. Mais une autre ligue que je t'inquiète, c'est la Ligue junior majeure du Québec. Je suis inquiet pour les marchés de Bathurst, je suis inquiet pour les marchés de Victoriaville, Baie-Comeau et plusieurs autres. Même les Saguenayens, ça ne sera pas facile. On en parle avec le président Richard Letourneau. Salut Richard! Bonjour Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Semaine du Super Bowl, Richard. On est des fans de football. Je vais te demander ta prédiction à la fin, parce qu'on a fait un voyage de football ensemble. Fait que je vais te demander ta prédiction à la fin, là. Mais on va parler des Sags avant de commencer. Je t'inquiète. Je t'inquiète pour l'avenir de la Ligue. Je t'inquiète. Tu sais, Bathurst, avant le COVID, c'était pas facile. Baie-Comeau, c'était pas facile non plus. Même les Saguenayens, vous avez mangé ça chaud. Moi, j'ai comparé les Saguenayens aux Expos de 94. Tu sais ce que je veux dire? C'est une très belle comparaison. Fait que, regarde, moi, je t'inquiète financièrement. Là, le COVID, il va falloir que ça arrête. Ça fait 3 ans. Fais-tu 3 ans que vous avez été... 3 ans, oui, que vous avez été touché, exactement. Fait que là, maintenant, là, tu peux pas en avoir une quatrième année. Là. Maintenant, il va falloir que ça arrête. Bon, effectivement, Danny, c'est en mars 2020. Ouais, c'est 3 ans, c'est ça. Effectivement, c'est la troisième année qu'on est touché. Effectivement, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, moi, je pense qu'il faut être positif, il faut être optimiste. L'année passée, ça n'a pas été une année facile, mais grâce à l'aide qu'on a eue du gouvernement du Québec, on était capable de se revirer de bord puis d'être capable d'avoir une saison qui nous a pas trop fait mal. Vous avez-tu break-even dans l'ensemble? C'est important, dit. Hein? Vous avez-tu break-even dans l'ensemble? Je parle des Saguenay, mais je parle aussi de la plupart des équipes. Sans me donner les chiffres exacts, là, c'est-tu quand même pas si pire? Vous avez-tu sauvé les meubles, au moins? Oui, on peut dire qu'on a sauvé les meubles puis qu'on n'a pas trop reculé là, avec l'année passée. OK. C'est là que je te dis que l'aide du gouvernement était quand même correcte. Ouais. Puis pour cette année, écoute, tu sais, je veux dire, faut regarder ça quand même d'une façon, comme je te disais, positive. On est quand même aligné pour faire quand même la saison complète, c'est-à-dire 68 matchs. Tu sais, faut pas oublier qu'au mois de décembre, quand on a arrêté, on avait quand même 30 matchs de jouer. Mmh. Par contre, on se devait en février de recommencer à jouer. Ne serait-ce que pour le bien-être des joueurs, santé mentale joueurs. On ne peut pas demander à des pur sang de pratiquer, puis pas avoir un objectif, puis d'aller à l'école. Puis, à un moment donné, là, ils ont besoin de compétitionner. Donc ça, c'était drôlement important. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé au début de février. On a joué comme les Saguenayens, on a joué 2 matchs à huis clos. À partir de cette semaine, on joue avec 500 personnes. Ben, c'est mieux que rien, mais c'est parce qu'on a bon espoir en février de pouvoir être au moins à 50% de spectateurs. C'est suite aux conversations que vous avez eues à la santé publique. Qu'est-ce qui donne bon espoir, là? C'est ça qui, en fait. Ouais, ben, ce qui donne ça, regarde, juste à voir un peu ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, quand ils se sont mis au niveau 3, là, je pense au mois de décembre ou quelque chose de genre, là, il y avait même pas les équipes n'avaient même pas le droit de pratiquer. Il a fallu qu'ils viennent pratiquer au Québec, pour te dire. Puis ils ont décidé qu'à partir du 29 janvier, qu'ils avaient le droit de pratiquer, puis qu'ils avaient le droit d'avoir 50% de monde dans les amphithéâtres. Quand ça montre que quand ça se décide d'aller vite, ça peut aller vite. Puis nous autres, on a bon espoir, comme je te dis, là. C'est un feeling. Moi, je pense que je ne m'embarquerai pas à savoir si le gouvernement a bien fait ou non de faire ce qu'il a fait actuellement, mais on voit qu'il y a quand même une amélioration. Puis quand on voit que ça commence, tu sais, je veux dire, regarde, les hospitalisations continuent à baisser, même si les écoles ont recommencé. Tu sais, je veux dire, tranquillement, pas vite. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai bon espoir. Là. Puis faut pas... Tu sais, je veux dire, les Canadiens de Montréal ne joueront pas à huis clos jusqu'au mois de mars. Moi, je regarde ce que Batman a fait en fin de semaine. Si ça ne réveille pas des gens, là, Moi, c'est mon fantasme. C'est mon fantasme, Richard, que c'est méchant, mais en même temps, là, regarde, qu'il y ait des ultimatums. Là. Tu vois ce qui se passe aux États-Unis, là, regarde, là, à un moment donné, là, faut que tu suives la parade, là. Tu sais, Moi, je pense que c'est pour ça que, tu sais, puis regarde, je lisais justement un article là, du chroniqueur économique de Radio-Canada, Gérald Filion, là, puis demain, le gouvernement, demain, va donner son plan de match là, pour sa continuité de déconfinement, là, pour la totalité de son plan de match. Fait quand demain, on va être fixé. Moi, mon feeling, c'est que demain, on va être fixé. Puis comme je te dis, on a bon espoir, nous autres, qu'en février, là, qu'on va être revenu au moins à 50 %. Ben, 50%, ça Fait que donne. c'est sûr Mais. que c'est une année, Ouais. c'est sûr que ça fait une année qui est pas facile. Ben. C'est sûr que ça va être une année qui va être déficitaire. D'autant plus qu'on a commencé, nous autres, notre première année de reconstruction. Mais garde, on est une équipe qui est bien Ben non, gérée. vous avez une bonne. Même, tu sais, on a quand même un peu de surplus. Fait qu'on va être capable de passer au travers de cette année. Puis moi, ben, j'ai bon espoir que l'année prochaine, on va vivre avec le COVID. On va l'avoir pas adopté, mais Ben. apprivoisé. Fait qu'on va vivre avec. Puis écoutons, je pense qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis faut être positif pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Non, mais tu comprends Euh, que, on est ouais, mais. rendu les. Oui, Oui, mais mais tu sais. c'est correct que tu t'interroges, mais moi, je me dois, à titre quand même de dirigeant du circuit, là, parce que, oui, je suis président des Saguenayens, mais en même temps, je représente l'organisation au niveau du circuit. Puis je vois les efforts qui sont faits, puis tout ce qui est mis en branle. Puis non, je pense qu'il faut être positif. Puis la Ligue d'hockey junior majeur du Québec n'est surtout pas en danger. OK. Si on parlait maintenant de. Non, non, mais sans la Ligue, est-ce que des concessions peuvent être en danger? Je parle pas des Saguenayens, là. Je parle. Tu sais, quand je parle à Richard Letourneau, je sais que Richard est une bonne organisation, je te connais personnellement, puis je sais que vous autres, vous allez passer au travers. Mais, puis vous êtes quand même un marché, pourrait dire, moyen, c'est ça? Dans les Journaux du Québec, à peu près quoi? Plus haut que moyen, hein? Sur ce tirait, là, Nous dans. autres, là, au niveau hockey junior majeur, là, Ouais. on est à peu près le plus beau marché que tu peux pas avoir. Avec Honnêtement, là. Rimouski, c'est à peu près dans la même gamme qu'un Rimouski, à peu près, là. Rimouski, Gatineau, Ouais, c'est ça. Sherbrooke, c'est OK. toutes ces Non, équipes-là, moi, là. donc, vous autres, je sais que vous n'êtes pas en danger, mais quand j'appelle Richard Letourneau, c'est pas pour les Saguenay, pas nécessairement pour les Saguenay. Je sais, ça a fait mal, mais vous allez vous en sortir. Je parle pour Batters, je parle pour Baie-Comeau, je parle pour, tu sais, des équipes qui sont break-even, qui sont juste à la limite, là. Tu comprends? Oui. Ben, écoute, je pense que M. Courteau l'a dit cette année. C'est sûr qu'on ne pourra pas vivre longtemps avec la Ben COVID, là. Et quand je dis longtemps, c'est que si cette année, c'est la dernière année du COVID, je vais parler de confinement comme on a eu tout ça, là. Si cette année, c'est la dernière année, je ne suis pas inquiète pour l'ensemble des équipes juniors de l'ensemble des équipes juniors. Si ça se perpétue, là, c'est un autre paramètre. autre chose, Richard, par le passé. La Ligue junior majeure du Québec était en guerre, ben pas en guerre, je dirais pas, c'est pas le bon mot, là, mais je dirais en compétition avec les high school américains, les USHL, puis les collèges américains pour leur prospect. Tu sais, je prends l'exemple d'un Tristan Luneau, là. Ce sera pas lui, parce que lui, il est déjà, mais il y a un nouveau Tristan Luneau, ou un nouveau, je sais pas, Jacob Pelletier, peu importe, là, est-ce que, puis lui est courtisé par des collèges américains de USHL. Ça sent que ça a joué aux États-Unis tout le temps. Ça a jamais arrêté depuis 2 ans ou presque, le hockey aux États-Unis, là. Ça aussi, ça pourrait faire mal à la Ligue. Tu comprends? Là-dessus, Danny, je suis obligé presque de te contredire, excuse-moi. OK. Parce que oui, si tu parles si tu parles de la Ligue junior de l'Ontario ou de l'Ouest, tu as raison. Mais oublie pas que l'année passée, on est la seule Ligue junior qui a continué à jouer au hockey. Les joueurs ont quand Ouais. même joué l'année passée. Oh oui, ça je sais, Ça mais. nous a aidé, puis c'est une des raisons. C'est une des raisons qui a fait qu'on a joué. Qu'on s'est organisé pour jouer, c'est qu'on voulait garder nos joueurs. OK. Mais quand même, Ça tu a été penses que ça peut drôlement faire mal important. Puis pareil? regarde, ben c'est parce que oui, c'est une compétition qui est là, effectivement, qui est présente. Oui, hein? C'est pour ça qu'on a développé tout notre secteur. Oui, mais c'est pour ça qu'on a développé tout notre secteur scolaire aussi. T'sais, maintenant, okay. T'sais, on a des bourses d'études qu'on donne aux joueurs. T'sais, je veux dire, un joueur qui a joué 4 ans dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui sort à 19 ans ou à 20 ans, qui s'en va faire son expérience, soit dans la Ligue américaine, dans la East Coast, puis qu'après 3 ans, il se rend compte qu'il a pu devenir au hockey, puis il a fait ce qu'il avait à faire, puis qu'il se dit, moi, je retourne au Québec, puis je m'en vais à l'école, mettons qu'il s'en va à l'université parce qu'il a fini son cégep pendant le temps de son cours junior. Tu sais-tu qu'il a le droit à 6 000 $ de bourse par année pendant 4 ans? Ouais, OK. Ça commence à être intéressant. Là, je veux dire, d'être capable de continuer ton école sans avoir à débourser dessous pour ça. Ben oui. Fait que, t'sais, on a pris les moyens nécessaires pour être capable de dire aux joueurs qui jouent au Québec qu'on est capable de lui assurer un avenir s'il n'y a pas d'avenir avec le hockey. OK. Très bonne. C'est sûr que c'est intéressant aussi là, comme argument. Là. Exact. OK. Exactement. OK. Es-tu content, puisque je t'ai, es-tu content du nouveau contrat de télévision avec la Ligue canadienne de hockey? Il me semble qu'il y a moins de matchs de la Ligue junior du Québec à TV. Non, effectivement, non, c'est parce que, oui, écoute, on peut pas, comment est-ce que je pourrais dire ça? On ne peut pas être très, très content de ce que l'on a eu. C'est qu'il faut partir du principe que l'entente qu'on avait avant avec le groupe Sportsnet, ben les gens ont dit qu'ils voulaient arrêter ce genre de contrat de télévision-là. Donc, c'est à nous maintenant de refaire nos preuves. Puis c'est ça qu'on est en train de faire avec TSN puis RDS. Puis effectivement, mais tu sais, je veux dire, puis cette année, c'est parce que c'est arrivé vite. Je pense que faut pas prendre cette année comme exemple. Il va falloir qu'on se serve plus de l'année prochaine comme exemple par rapport au contrat de TV. Okay. Mais effectivement, il va en avoir moins. Mais ce qui est important, c'est que la Coupe Mémoriale va être quand même à la télévision. Hein. La Coupe que du deuxièmement, ça va être en streaming, ça, j'imagine? En partant, c'est ça. C'est quand même on a quand même toutes les matchs de hockey en streaming. Puis il ne faut pas oublier que c'est déjà cette année, en termes d'amélioration de qualité, le jour et la nuit avec l'année passée. Ouais. Là. Ouais. Parce que là, c'est en termes de qualité de l'image. Là, vous êtes la plateforme, puis la Ligue canadienne de hockey, je pense. Vous êtes une plateforme de Ligue canadienne, ça coûte 200 $. Puis là, je pense à tous les matchs, pas juste de la Ligue du Québec, les matchs de toute la Ligue canadienne, c'est ça? Exactement. Puis pour quelqu'un détenteur de billets de saison, mettons des Saguenayens, qui prend juste la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça ne coûtait même pas 60 $ pour avoir tous les matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. OK. Ben Richard, en terminant, on est des fans de football tous les deux, donc on a fait un match ensemble pour que les gens le savent. Prédiction? Ma logique dirait pour Los Angeles, mais j'ai un petit penchant pour Cincinnati, parce qu'effectivement, l'équipe revient de loin, ils ont des jeunes. Puis un match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis le coaching, j'ai quasiment plus confiance au coaching du staff de Cincinnati que du côté de Los Angeles. Ça va être un match intéressant. C'est ça qui est important avec un jeune carrière avec Cincinnati, puis quelqu'un qui a enfin la chance de démontrer qu'il est capable de gagner dans un match important. OK. Merci beaucoup. On se reparle demain. De rien, ça m'a fait plaisir. Richard Letourneau, président des Saguenay de Chicoutimi.